écoutez Sous Pression, 60 minutes de punk, ska et hardcore francophone, diffusant à partir du CHUO à Ottawa, le CIVR à Yellowknife, le CFRT à Iqaluit et partout dans le monde à partir du sous-pressionpunk.com. Restez à l'écoute. Salut tout le monde, vous êtes à l'écoute de Sous Pression, une émission de punk ska hardcore francophone qui diffuse à tous les semaines à partir du souspressionpunk.com, mais aussi à la radio, au CHU 89.1 FM à Ottawa, le CVR 103.5 FM à Yellowknife et le CFRT 107.3 CFRET à Iqaluit. Je m'appelle Mathieu, je vais vous faire jouer du punk, du ska et du hardcore tout en français jusqu'à la fin de l'heure. On a commencé l'émission avec Le Nombre, leur morceau né dans l'Est de l'album Scénario Catastrophe. C'est un peu un groupe que je fais souvent jouer en nombre, mais j'ai décidé de la faire jouer cette semaine pour une raison très particulière. J'ai appris, on a tous appris récemment le décès d'un camarade, Mathieu Trudel. C'était un ami que je connais depuis longtemps. Il est porté disparu quelques mois depuis le mois de mars, mais on a confirmé qu'il est décédé tout récemment. Et je vous parlais juste un peu de Mathieu avant de continuer l'émission. J'ai fait jouer Le Nombre parce que c'est un groupe que Mathieu m'a fait découvrir, et en 2004 environ, dans ce temps-là, le temps où j'ai commencé à faire de la radio communautaire avec Mathieu. Mathieu était le co-animateur de l'émission Léonard et le Renard, une émission francophone de punk qui diffusait aux ondes du CHU 89.1 FM à Ottawa. C'est une émission de radio que j'ai écoutée pendant ma jeunesse. Et les soirs avant, les soirs d'école, je restais debout jusqu'à 2h, 3h du matin à écouter ça afin de découvrir la nouvelle musique. Mathieu était un des deux animateurs de l'émission avec Gabriel. Et j'ai connu aussi Mathieu au concert. Je le connaissais à travers de la radio, mais aussi quand j'ai commencé à aller à des concerts, j'avais 14-15 ans, j'ai connu Mathieu. Mathieu venait au concert du groupe dont j'étais membre. Je faisais partie d'un groupe quand j'étais au secondaire. Il venait au concert, on se parlait, on est venu à se connaître un peu. Et on s'est connu, ça fait longtemps que je connais Mathieu. On s'est connu dès le début de ma vie de punk, ma vie dans la scène punk, aussitôt que j'ai commencé à avoir un intérêt dans ce genre de musique-là, puis la communauté punk, c'est là que j'ai commencé à le connaître. Alors je le connais depuis longtemps. Et on a perdu, tu sais, j'avais peut-être 20 ans, on a arrêté un peu de se parler. C'est juste, ça l'a donné, c'était pas une intention, on a pris nos propres chemins. Mais en 2004, j'étais chez un ami, on était en train de boire sur ce... c'est pas trop smart, sur... sur le top de sa maison, là, son appartement, sur l'édifice, sur le haut, on était dehors en train de boire. Il y a plein de monde qui sont arrivés. Mon ami avait invité une autre personne, mais cette personne-là avait amené plein d'amis. Et Mathieu était parmi ces personnes-là. Alors, on ne s'était pas vu depuis plusieurs années, puis on s'est rencontrés comme par hasard chez mon ami, et on s'est reconnecté un peu, on s'est mis à parler. Mathieu me disait qu'est-ce qu'il voulait faire, qu'est-ce qu'il faisait dans sa vie. Ça, c'était en 2004 environ. Et quelques mois par après, on s'est rencontrés par hasard dans un autre concert, et Mathieu m'avait invité à faire partie de l'émission Léonard et le Renard. Son co-animateur, Gabriel, quittait l'émission et il avait besoin de quelqu'un de le remplacer. Et il m'avait demandé, et c'est comme ça que je me suis impliqué dans la radio communautaire. C'est grâce à Mathieu que j'ai commencé à m'impliquer dans la radio communautaire. Si Mathieu m'avait pas demandé, je serais pas en train de faire l'émission en ce moment, ça je vous le garantis. Et Mathieu, c'est un vraiment bon gars, un artiste avec beaucoup, beaucoup de talent. Il s'intéressait vraiment dans les quartiers populaires de la région de la capitale nationale, ici à Ottawa. Spécifiquement, il s'intéressait à Vanier et le quartier, un des grands quartiers francophones d'Ottawa, mais aussi au Vieux Hall, un quartier ouvrier, un quartier populaire à Hall, juste de côté de la rivière à Gatineau. Il dessinait les vieux magasins, tu sais, qui dataient au début du 20e siècle, mais qui existaient toujours. Il voulait faire en sorte que ces magasins-là, qui avaient un caractère très, très particulier et très unique, vous voulez vraiment capturer ça et faire de l'art avec ça, de les dessiner, de le partager avec le monde. En 2014, Mathieu avait eu un accident très important, un accident en vélo. Il est tombé, on n'est pas certain s'il est tombé ou s'il s'est fait frapper par une voiture, mais il est tombé, il est resté dans un coma pendant plusieurs jours. Mais il s'est remis et il continue à faire de l'art. Il m'avait contacté, il voulait faire un projet basé sur le punk du début des années 90 à Ottawa. Il m'avait contacté voir si j'avais des cassettes que je pouvais partager avec lui. Je lui ai dit oui, j'avais jamais eu la chance de les partager avec lui parce que dans le temps j'habitais à Toronto. Maintenant je suis rendu à Ottawa. On n'a jamais eu la chance de se connecter de même, mais tu sais, on était toujours en contact de temps en temps, moi et Mathieu. Et le 2 mars dernier, Mathieu est disparu. Il a laissé une note disant comme quoi qu'il avait l'intention de mettre terme à sa vie. C'est malheureusement ce qui s'est passé. Et on l'a retrouvé récemment. C'était une personne très très bien aimée, très populaire parmi, tu sais, dans la scène de punk, de la scène artistique et la scène, tu sais, de rock alternative de la région de la capitale nationale. C'est, comme j'ai dit, c'est 100% grâce à lui que je suis ici en train de vous parler en ce moment, que je fais de la radio. Et je voulais juste prendre un peu de temps pour rendre hommage à Mathieu. C'est un bon gars et sa famille, ses amis, on va tous s'ennuyer de lui. Il a laissé une marque importante sur la vie de tout le monde qu'il connaissait. Alors, je vais faire une petite dédicace, faire un hommage à Mathieu cette semaine. L'émission cette semaine est dédiée à lui. Alors, c'est ça. Je continue avec un autre groupe que Mathieu m'a fait découvrir, le groupe Les Vipères. Dans le temps que j'ai commencé la radio avec Mathieu en 2004, il aimait vraiment le rock garage avec un mix de punk. Alors, tu sais, les groupes comme Le Nombre et les groupes comme Les Vipères. Alors, essayer de faire jouer beaucoup de chansons de ce genre de musique-là. Cette semaine, pas uniquement ça, mais je vais en faire jouer le plus que je peux. Et je continue avec Les Vipères, le morceau La Première Fois de leur album Sans Foi ni Loi. Alors, ce morceau-là pour Mathieu, l'émission dédiée à Mathieu. Alors, voici Les Vipères à sous pression. C'était les secrétaires volantes avec le morceau Moustachu à vos rasoirs de l'album Meconium. Splash 4 avant ça avec Trop Peur de l'album Kicks in Style. Et on a commencé le dernier bloc avec Les Vipères, le morceau de la première fois, Sans foi ni loi. Je continue maintenant avec du Pute à vélo. Ils ont sorti un album récemment, l'album Solution Protocale. Je vous fais jouer le morceau Cornflakes. I'm Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. On vient d'écouter Les Marmottes Aplaties de l'album Décadent. C'était le morceau J'entends t'écris. Les morts avançant de l'album Home Mard. C'était Vivre dans le quartier des passes. Et on a commencé le bloc avec du pute à vélo, le morceau Cornflakes tiré de leur plus récent album Solution Proticale. Alors, on est à mi-chemin de l'émission. Je vous rappelle que si vous écoutez bien sûr à la radio, si vous n'êtes pas déjà sur le souspressionpunk.com, allez checker ça tout de suite. L'émission est basée à partir du site web souspressionpunk.com. On a une présence sur Facebook, facebook.com/souspression. Vous faites une recherche pour Souspression, vous allez trouver ça. Si vous êtes sur Facebook, allez aimer l'émission. Et si vous voulez me contacter un peu plus directement, vous pouvez toujours le faire à partir du site web et de Facebook. Mais vous pouvez aussi m'envoyer un message plus en direct. C'est info@commercialsouspressionpunk.com. info@commercialsouspressionpunk.com. Allez, envoyez-moi un message, demande spéciale, commentaire, des plaintes. Si vous voulez partager la musique, allez-y fort. Et ouais, c'est ça. Là, je continue la musique avec le bloc sono mondial, moment où je fais jouer des chansons par des groupes à l'extérieur des mondes anglophones et francophones. Cette semaine, je vais faire jouer un groupe slovaque. Le groupe s'appelle Rospor. Je vais faire jouer deux morceaux de leur album Radikalna Ludskost. Quelque chose de même. Je vais jouer le morceau Radikalna Ludskost et le morceau Vilk. Alors voici du Rospor à sous pression. jas, kapeže svoj biotop, straca kam si grisaj drop. C'était Rosport avec Radicalna Ludkost et le morceau Vilk. Voici Amnésie avec Regarde ce qui se passe. We'll be right back. souris sous, je suis la souris de ton cœur. La petite souris a cédé douceur. Le petit bout de chou dynamite de malheur. Oh souris, souris, tu grignotes de ton cœur. La petite souris, oh souris, le cauchemar de tes nuits. Que te plains-tu donc, j'ai tout à te donner. Les 36 parties de ma personnalité. Suffisent de tout petit minable que tu es. Choisis celle que tu désires, que tu as rêvé. Que je déverse mon flot d'amour empoisonné. Comme une poubelle sur une décharge de la cité. Mon sourire qui mauve, ma tendresse d'araignée. Car je t'aime, oui je t'aime. Oh souris, souris, je suis la souris de ton cœur. La petite souris, acide et douceur. Le petit bout de chou dynamite de malheur. Oh souris, souris, qui grignote de ton cœur. La petite souris, oh souris, le cauchemar de tes nuits. Tu disais que jamais, jamais tu ne t'accrocherais. Pourtant tu dis petit comme à des filles barbelées. Et si tu vois le diable en moi, c'est qu'il y est. Mon tout petit fantasme, mon malheureux jouet. Et je me plais en tirant jusqu'au fond de mes rêves. Agitateur armé de haine et de caresses. De larmes, de crocodile, de sourire et de stress. Car je t'aime, oui je t'aime. We'll be right back. content de vous voir. Enfin, monsieur le contrôleur, ça fait des mois que je vous attendais. Content de devoir payer l'amende, monsieur le contrôleur. Je ferais des millions si je les avais. Depuis le temps que je prends tous les bus sans jamais les payer, que je pousse les lignes jusqu'au terminus sans pouvoir embarquer, je commençais. Je peux me permettre, monsieur le contrôleur, qu'allons-nous faire de tous les voyages que je n'ai pas payé, monsieur le contrôleur? Avouez que ce serait dommage que pendant tout ce temps, moi j'ai pris tous les bus sans qu'on ne me fasse payer, que j'ai attendu une fois le terminus sans pouvoir embarquer, sans qu'on me prenne. À votre fille de marcher, sans qu'on me prenne. On vient d'écouter du Justine de leur album Rareté, Reprise et autres égignates, le morceau de Monsieur le Contrôleur, une reprise de Zabriskie Point, excellent, excellent morceau, je l'aime vraiment cette chanson-là par Zabriskie Point, et c'est cool que Justine, ils l'ont repris, ont fait une bonne job, tant qu'à moi. Avant ça, du Eric Panic, le morceau Jimbo de l'album Catharsis, Ultra Ptérodactyle, avant ça, de leur hippie qui a une mascotte saigne, c'était le morceau Les Robots, savent-ils s'ils sont des robots? Les Vampires, avant ça, avec Jalabert de l'album Chicoutimi, du Ici Paris, j'ai jamais fait jouer ça avant en ondes, mais je décide de le faire jouer. Le morceau Souris de l'album Allô le Monde, et on a commencé avec du Amnesi, du hippie Rien de Neuf. C'était le morceau « Regarde ce qui se passe ». Alors, c'est ça. J'ai le temps de vous laisser avec un dernier morceau. Je vais faire jouer le morceau « Levons nos poings » par La Gâchette de l'album « Quoi qu'il advienne ». Et je veux juste dire que c'est une dernière fois que... je l'ai pas encore dit, mais je veux juste prendre avantage de cette opportunité que j'ai, les ondes, pour dire au revoir à Mathieu et... à vous de vous dire que si vous passez à travers de quelque chose, là, c'est quétaine à dire, là, mais parlez-en à quelqu'un. C'est important d'en parler. On a tous une communauté à laquelle on peut accéder. On a des ressources, on est des amis, de la famille, auxquels on peut parler. Prenez-en avantage, parlez avec des amis, parlez avec des familles, parlez avec quelqu'un si vous voulez. Si vous passez à travers de quelque chose, si vous passez à travers des périodes difficiles, c'est important. Et si on a des amis, vous voyez, qui sont en période de difficulté, c'est important d'essayer de les aider autant qu'on peut. C'est pas toujours possible, mais si c'est possible, c'est important qu'on s'essaye. C'est ça, la solidarité. La solidarité, ça se passe pas seulement sur les lignes de piquetage, ça se passe dans tous les jours. Alors, c'est ça. Prenez soin de vous. Je vous laisse un dernier morceau par La Gâchette, Levons nos poings. Prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine.